sont les meilleures équipes. This is the allerbeste Mannschaften. The main event. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Grenouille. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou que nous avons choisi d'intituler en ce mois de mai Un dimanche avec Michel. Autour de la table, bien sûr, le coach Luc et Dondé. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Nous déplorons aujourd'hui l'absence de Magic, qui est en stage de remise en forme, on va dire, pour les événements du mois de juin, pour lesquels il sera très sollicité. Mais on retrouvera le docteur et Brett un petit peu plus tard dans l'émission. Et pour commencer, écoute, j'avais envie de vous demander, mais qui est ce Michel avec qui nous avons passé tout un dimanche ? Eh bien, c'est Michel, que nous avons suivi tout un dimanche, qui est une sorte, finalement, d'invité un petit peu virtuel, mais qui sera ici comme une présence qui va nous envelopper de son charisme et de son absence aussi, un petit peu, ce qui a été le cas, finalement, toute cette année, charisme et absence. Et donc, c'est le coach, enfin, l'ex-coach de l'Olympique de Marseille, qui vient d'être, comment pourrait-on dire Limogé. Mais pas envoyé à Limoges, hein. C'est-à-dire il était voilà, licencié, viré, mis à la porte, qui attend en fait que sans doute les prud'hommes décident ou pas de son sort et de ses indemnités. Tout à fait, mon cher coach. Alors nous avons eu la chance de passer toute une journée avec Michel, depuis la nuit du 30 avril jusqu'à la soirée du 1er mai, la semaine dernière. Et puis à tour de rôle, nous l'avons accompagné sur une partie de cette journée. On va vous livrer chacun d'entre nous un peu le compte rendu du moment que nous avons passé avec lui. Et Dondé, vous nous parlez un petit peu du sommaire, rapidement ? Eh bien, chacun son tour. Effectivement, nous avons eu le privilège de passer un petit moment de cette journée du dimanche avec Michel. Tout d'abord, le docteur, qui l'a suivi dans ses pérégrinations nocturnes. Ça a commencé avec une présence remarquée à Nuit Debout, sur le cours Julien. Puis Michel a erré dans la ville au gré des rencontres et le matin, à l'heure où les sonnes clochent. Les cloches sonnent plutôt. L'heure de la messe, je crois qu'il s'est réfugié dans une église, n'est-ce pas, coach ? Oui, dans une petite église au Trois-Lucs. Ah ben, ça tombe bien. Après ce passage donc par l'église, qu'a-t-il fait ? C'est l'ami Brett qui l'a accompagné pour le repas. Exactement. C'est ça, il l'a accompagné pour le repas, un asado, sans doute. Et puis ensuite, après ça, la promenade digestive où Camille, donc le docteur, l'a retrouvé une nouvelle fois, passé quelques heures en début d'après-midi avec lui à l'hôtel Noailles, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Donc une promenade un petit peu particulière malgré tout. Et ensuite, c'est avec vous, cher Manuel, qu'il a passé la fin de l'après-midi. Si. Tout à fait. Au bord d'un canapé, n'est-ce pas ? Oui, sur un sofa, en famille. Une bonne après-midi télé, comme on aime se faire. Un début de soirée, peut-être, même voilà, télévisé. Voilà, un dimanche soir devant la télé. C'est vous, Dondé, qui conclurez cette émission. C'est un petit peu les devoirs de Michel avant le lundi. Tout à fait. J'ai retrouvé un Michel fatigué de cette journée du dimanche à sa table de travail. Un bureau qui ressemble à un salon de coiffure. Et subrepticement, je me suis glissé dans son bureau pour discuter avec lui et puis tirer quelques informations, somme toute assez confidentielles au final. Alors on rentre tout de suite de plein pied dans ce dimanche avec Michel, avec les confessions nocturnes que le docteur a recueillies auprès de lui. C'est parti. Que des gens qui n'ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française. Michel s'éteint aussi. À croire que partout où il passe, jeunesse trépasse. Il les a vus à Madrid, à Séville, à Athènes et maintenant à Marseille. Michel agitateur. Michel réfléchit, les idées troubles. Passer la journée debout, même sur le banc, c'est déjà stressant. Alors la nuit, avec comme seule perspective de s'échouer sur un banc. Et s'il a résidé sa force? On est le messie qu'on peut. Berger tête en l'air, il sera leveur de troupes. Et s'il faut quitter les terrains, il ira sur les places. Foi de José Miguel González Martín del Campo. Lui aussi a perdu sa vie à la gagner. Il est temps. Michel prend la parole sur le parterre du Courju. Médusés, les punks à chiens affrontèrent leurs kleps, les rastas la mettent en sourdine, l'assemblée attend, transie, s'est envoyée d'un autre monde. Quel sera le message des puissants? Tapas des balles! Tapas d'Ibal. Michel a déçu. Michel est ruiné, sali. Mais il reste un madrilène, un homme de la Casablanca. Pourtant, il n'est plus de maillot blanc immaculé dès lors qu'on quitte la Castilla. Que de boue hors de ces secs climats. Le veston tacheté, c'est alors des moulins qu'il vous faut à nouveau défier. La précieuse farine tenant lieu de javel. Au mieux, leurs ailes vous blanchissent. Au pire, la meule en rajoute une couche. La nuit se fait blanche et la narine expie. Tapas des balles! La marine. Il la voit en photo un peu partout depuis qu'il est arrivé. Une patronne de la ville, lui a-t-on glissé. Pourtant, quand il déboule sur le vieux port, Michel n'y voit que dalle. Des Sichtchefs, des Sana, des Olmeta et quelques Ravanelli. Tous l'attendent au coin d'un bois, histoire de lui faire régler l'addition. Michel essaime, slalom, essaime enfin la Smala. Là derrière l'opéra, c'est en pilier qu'il la découvre, sa marie Nirvana. Il la délace, elle le déleste, la cramponne, la prend de vitesse, enfin lui mouille le maillot. Como es triste la ciudad de madrugada, caminando por las calles. Sin amor, oficinas con las luces apagadas y vidrieras con letreros de neón. Cómo es triste la ciudad de madrugada cuando hay cosas que no puedes entender. Cuando ves que aquel amor que tanto amabas ya no está, ya no regresa, ya se fue. Tu recuerdo está en el alma y siento frío mi mundo vacío, vacío de amor. Cómo es triste la ciudad de madrugar, cuando sientes que estás solo, sin amor, cuando todo te da igual, no tienes gas, oh no, cuando ves que todo es nada, sin amor. Faute grave, viré pour avoir chatouillé les couilles d'un travelot, Michel n'en revient pas. Une escroquerie bien montée, certes. Cette perruque aguicheuse et ce petit liseré quasi pubien sur la lèvre supérieure. Une dédicace tout en fureur. Je le crois pas. Non, tu le crois pas. Non, il le croit pas. Tapas des balles! Ce dôme qui chuchote à l'orteil des cheveux blonds, tourne alors les talons, remonte la pente rue d'Aubagne, son petit chemin de croix vers la commanderie. Dans une dernière coupe de champagne emportée, Cette page de saison blanche qu'il s'apprête à tourner, il rétrograde, change de division, se rince le gosier pour repenser à son plan à trois. Toulouse hors notre Toulouse, exit la bière blonde, suce à la margarita, sort de ce brouillard pour y voir clair dans la brune. Quand Lanigo, s'attendant à tout, sauf à Bernès et ses adversaires, se méprenant à nouveau sur l'essence du continent, il trouble la quiétude des enseignes à chicha de son râle de détresse. Tapas des balles! Michel erre comme une âme en pleine, la boulette à la main. Sa Rolex a régalé, il s'est bien sûr fait rouler. Dans un monde où tout est surveillé, où les poteaux vous balancent, un latéral doit aussi botter en touche. Au pays d'Arconada et de Zubizarreta, tout était excusé. Avant l'unité espagnole, avant ce maudit Zapatero échappé du placard à chaussures, ou quand Vicente est sorti du bosquet. Il a fallu partir, quitter leur champ d'olivier et leur taureau galbé, à vrai dire comme des Portugais. Le front posé sur cette table en bois brut, parmi les emballages disséminés, Michel partage le destin de cette ville de migrants, erre tout droit sans but. L'Hidalgo connaît le tourment des cadets, des désargentés, titubants, à l'arraché. Michel décapsule une desperados dans le soleil voilé, orphelin du Réal et de sa San Miguel, archange sacrifié par sa dragonne, il secoue sa gourmette, se lève enfin, se signe, pose une galette, Saint-Michel, priez pour moi. C'est un Michel bien mélancolique et bien triste, je trouve, qu'on récupère après cette mi-livresse et d'errance avec le docteur. J'espère que vous l'avez retrouvé, coach, en meilleure forme pour partir à la messe. J'ai peur que de toutes ces bières qu'il a avalées, il ne restait que l'amertume à la messe. Mais bon, nous verrons bien. On sent à l'intonation de la voix du docteur que la nuit a été longue et nombreuse. Les variations. Tout à fait. Un Michel militant, un Michel errant, un Michel solitaire et aussi un Michel bien triste, j'ai l'impression. En tout cas, vous êtes bien sur Radio Grenouille, nous sommes des bâtons dans Guirou. C'est un dimanche avec Michel et nous le poursuivons avec vous, coach. C'est vous qui l'avez entrepris dans la matinée de ce dimanche 1er mai. Vous l'avez amené dans le 16e arrondissement, je crois. Voilà, enfin, je l'ai plutôt suivi en douce, hein, une petite filature. Voilà, à la suite du docteur, je l'ai vu quand même malgré tout se diriger vers un endroit un peu plus conscient. Là, l'errance cesse. Et je me suis demandé, mais où va cet homme? Où va-t-il se refaire, peut-être, au poker? Et non, c'est une autre table de jeu à laquelle il est allé, puisqu'il est allé à la messe. Et donc, voilà, j'ai essayé de capter ses impressions et ses pensées et de les retranscrire en bon narrateur, en bon flâneur, comme il l'a pu l'être. Et bien, on va écouter ça tout de suite. C'est parti. Il est 10h passé. José Miguel González Martín del Campo, dit Michel, remonte la nef de l'église Sainte Rita de Casquilla, du village des Trois-Lucs, dans le 12e arrondissement de Marseille. Michel aime l'anonymat que lui procure cette petite église de briques et de béton. Construite en mausolée d'une jeune fille morte, est, à l'honneur de la sainte, des causes désespérées. Et puis, un peu plus au sud, en bas, se trouve la commanderie. Cette proximité de ses angoisses ne peut qu'être un signe salutaire. Il y trouvait souvent refuge après les entraînements, à la recherche de sublimation et d'apaisement. Il rumine de sombres pensées qui l'entraînent un peu plus vers le néant. Le mot olympique est trompeur, se dit-il, dans le nom de ce club soi-disant moderne. Il ne reste de l'idéal démocratique de l'époque de Coubertin qu'un humanisme de supermarché, mais surtout la compétition et une vision pervertie de la performance. L'amateurisme promulgué comme valeur d'universalité a été balayé par le capitalisme du travail et ses experts de toutes sortes. Il ne reste que la ferveur collective et mystique, et l'esprit nationaliste sous sa forme de clocher. Le sport a cessé d'être des jeux depuis longtemps. On voudrait nous faire croire dans sa mise en scène que si l'idéal démocratique est mort, il demeure l'idéal pédagogique du sport professionnel. Mais c'est faire une confusion volontaire et trompeuse entre le concept de pédagogie et celui de management. Un manager n'est pas un professeur, et c'est d'autant plus vrai à l'école de la vie. Mitchell s'en est aperçu de manière cruelle au contact de ses jeunes joueurs. Il voulait leur apprendre, alors que voulait être administré et commandé. Mitchell est de la vieille école, celle du XXe siècle. Celle où le football est un lieu où l'on peut se former, grandir, s'enrichir. On était sur un idéal chevaleresque qui paraît un peu fou aujourd'hui. C'était le meilleur, au sens le plus fort, mais aussi au sens moral, qui l'emportait. Le football composait des récits, une petite usine familiale d'imaginaires et de héros. Et si encore aujourd'hui, c'était le meilleur spectacle qui l'emportait, mais dans cette logique du devenir image des jeux et la survalorisation des écrans, non, non. Le plus important au final, aujourd'hui, c'est les 3 points et le crédit des joueurs. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Et Michel, dans cette histoire, se sent comme un vieux chasseur de moulins à vent, un Don Quixote qui vient de dégringoler de son cheval, jeté à terre par des brutes capitalistes et des courtisanes nihilistes. Et il se dit qu'il ne s'en relèvera pas, qu'il peut dire adieu à son rêve de diriger les troupes de la maison mère, son dernier rêve, son tout dernier rêve, faire courir les merengues du Real Madrid. Mais il se rend compte que le chemin de son rêve d'être roi d'Europe ne passait pas par Marseille. La comédie humaine du petit monde de l'OM, son état d'exception permanent qui relève d'une réalité sociopolitique qu'on ne voit que dans les guerres civiles, tout cela aura eu raison de son ambition aristocrate. Et aujourd'hui, seul et désarmé, il ne sait plus à quel saint se vouer. Alors il vient ici, dans cette église, au lieu d'arpenter les cabinets d'avocats d'affaires pour préparer son procès au prud'homme. Mais Mitchell sait qu'il ne pourra guérir de cette crise existentielle sans l'aide d'un miracle à l'ancienne. Et pour les hommes comme lui, seules les promesses faites à l'avenir, énoncées devant Dieu, ont une chance de l'accomplir. Le sport est une religion moderne, se répète-t-il chaque soir. Et c'est pour cela que des Cubénis comme nous autres, les Espagnols, y sommes aussi bons. Mais il s'agit d'une religion désenchantée. Et dans ce pays de mécréants qu'est la France, et dans cette ville à la mentalité de survivance qu'est Marseille, comment faire pour que cela marche pour moi ? Depuis mon arrivée, je n'entends parler que de San Marcelo par-ci, San Marcelo par-là. Quelle blague ! Mitchell, lui, ne voit qu'un homme en fuite la queue entre les jambes dont il faut ramasser la chiasse. Quant aux joueurs, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Mitchell sait qu'il ne peut rejeter la faute sur celui qui est un héros et un lâche, ou sur les cacous du directoire, ou sur les chèvres qui broutent les pelouses. Cet échec pitoyable est aussi de la faute de Mitchell, qui s'était laissé éblouir par Marseille, tombé bêtement dans un fantasme de croisiériste, croyant qu'il s'agissait d'une cité de soleil, alors qu'en réalité, elle a de tout temps été une ville d'ombre. Le jour ici n'est que la nuit sous une autre forme, et comme le soleil aveugle, on ne voit pas cela. Il fallait être un survivant pour y avoir sa chance. Un survivant, comme l'était Marcello. Ce constat le rend triste. Une tristesse égoïste. Celle du type qui s'est cru trop intelligent et trop beau pour faire l'économie de comprendre où il était. Il voit son erreur à présent. Mieux que cela, il la ressent au plus profond de son être chaque fois qu'il s'assoit. Entraîner, c'est entretenir par des rituels appris par cœur les croyances et les illusions. Celle d'un maillot et celle de la fête. Celle d'un clocher et celle de la passion. C'est ce que fait l'Église au quotidien. C'est pourquoi il regrette d'avoir passé trop de dimanches au stade et trop peu à l'Église, sous prétexte de son travail. Alors panem et circenses, comme on dirait à Saint Rita. Mais dans ces histoires, le docteur qui entraînait les gladiateurs finissait toujours au lion, comme lui aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est à Saint Rita ce matin, à faire son mea culpa, à demander pardon à Dieu, en quête de rédemption, mais aussi pour lui demander une seconde chance, pour qu'il le conseille et le guide, afin de retrouver son rêve madrilène. Ah, Madrid. Une vision capitale de Santiago Bernabéu lui apparaît. 80 000 personnes qui scandent son nom et rient de lui quand il palpe les coucougnettes de Valderrama. C'est alors que Dieu répondit en direct à ses prières, en prenant une voix des plus inattendues. Mais les voix du Seigneur ne sont-elles pas impénétrables ? Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Non, attends. En plus, il se fout de ma gueule. Puis le football, ça devient ça. Je crois qu'il faut arrêter d'urgence. Non, mais d'accord. Semblable, alors. Tu n'as jamais vu, hein. Mais qui ne raconte pas des conneries. Non. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... C'est pas chier, attendez aussi. Ça, c'est les couilles, non? Non, mais je me branle. Ah, c'est super. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là là là là là là. Ouais, tu t'occupes de tes fesses. Les gens, ouais, attends. T'as pas de leçon à recevoir de toi. J'ai très peur, hein. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Mitchell ne comprend pas précisément ce que Dieu lui raconte. De toute façon, il ne parle pas bien français. Et depuis le départ, il ne comprend que dalle dans cette ville de merde. Ça ne va pas changer par miracle. Mais il pense en saisir le concept global. En gros, Dieu lui dit qu'il faut contre-attaquer. Et que dans ce pays de mécréants, quoi de mieux que d'aller à confesse publique, comme le font tous les fouteux merdeux de l'équipe de France, en allant pleurer son venin en direct à Téléfoot. Les bâtons d'Anguirou, un dimanche avec Michel, on le quitte, j'ai l'impression, cher coach, après sa prière dans laquelle il a un peu compris les raisons de son échec marseillais, il est plus triste qu'amer. Oui, mais je crois que de toute façon qu'il avait sans doute besoin de ce moment pour se retrouver. Finalement, la solitude n'est pas forcément une chose des plus négatives, elle permet aussi parfois de reprendre les choses en main. Et donc là, voilà, il est sorti un petit peu rengaillardi, plein de révélations. En tout cas, son estomac, j'ai l'impression, a repris un peu du poil de la bête. Après la nuit passée avec le docteur, on le sent un peu, en tout cas, en meilleure forme physique. Et je crois qu'il se dirige vers son repas dominical, après, mon cher Dundee. Tout à fait. Nous, on a l'habitude du poulet frites. Bien sûr. Bon, le repas dominical, il commence peut-être plus tard chez les Espagnols. Et surtout, il est composé, me semble-t-il, de grillades. C'est l'époque des barbecues. On est au mois de mai. Tout à fait. C'est peut-être le premier barbecue de l'année pour Michel. Certainement. Et donc, nous allons découvrir ça. Mais oui, c'est Brett qui l'a accompagné pour le repas, le chanceux. Nous, on n'a pas eu le droit de manger chez Michel, mais lui était invité à sa table. Eh bien, on va écouter ce qui s'est passé à ce moment-là. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Michel, Michel, Michel. Un fumeur rêve de barbecue au sortir de la messe, ivre de vin, professant au cul bénique une bonne partie de jambon grillé en plein air, saurait rosir le noir charbon de son cœur. Jaillissant sauvé des flammes de l'enfer au Roland du bolide téléguidé Téléfoot, Michel sort son briquet et s'allume une sèche fine au menthol, Il vogue entre les cendres encore fumantes d'une nuit debout, tambour passé à traîner son smoking au milieu des corbeaux et entremêlés de la jeunesse électrique, pris de boissons et extatique, carbo dans les affres du dernier stade de la soie. La messe est dite, Michel. Au milieu d'un mess inédit, la fraîcheur de la menthe lui offre un succès d'année de plaisir. Et tel Ulysse victorieux à Troie, un succès d'année le perdit sur l'océan des pelouses de l'Hexagone. La bicyclette d'Ocampos, un funeste présage. Une bicyclette. Fauché comme en pleine jeunesse, Michel arrache à son tuteur une mobilette et sur la morte plaine, après un extérieur du pied sur le kick, la pétrolette s'emballe et voilà Georges Kevin Michel qui dévale la rue d'Aubagne tambour battant, direction Noailles et ses victuailles. What else? Michel, Mabrel sont des mots qui vont très bien ensemble. Rue longue des Capucins, Michel livre sa compo, sardine, merguez, chipot. Sans logique ni tactique, son chant du cygne après le dernier virage sera un brasier anarchique. Alors qu'il aperçoit la mer, Michel pense au naufrage de ce triste mariage. Sa lune de Bielsa est un fiasco. La brume plantée dans le fond de ses yeux, l'as de Passy pour un coup. La mer, Michel, a perdu son charme. Michel se repose sur la grève et se dit et se redit de ce barbecue madrilène que neige puis préserver la fraîcheur de l'appétit. Nonchalamment souffle sur la braise de son âme sous la grille qui noircit. Mais Michel, il fallait que sa brève, cette erreur de casting s'est ainsi. Merci. Michel se sent soudain pris de fièvre et se dit et se redit qu'à nouveau pourrait tâter de la brève de ses doigts les couilles de la brunée de Franck. Passy. Débattons dans Guirou, chers amis. Nous avons passé tout un dimanche avec Michel et là nous le quittons à peine après son barbecue avec Brett. Un barbecue, moi je trouve, à l'ambiance très chamanique. J'ai l'impression que dans les fumées des chipots et autres viandes grillées, dans ces fumées, Michel voyage et Michel avance malgré tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je crois qu'en Espagne, on fait beaucoup de marinades, notamment, donc c'est sans doute les vapeurs d'alcool de la marinade, voilà, qui ont aussi joué leurs effets. Un Michel très mélangé. Ouais, mélangé, et j'ai l'impression qu'il pense déjà à l'exil aussi. Quitter Marseille semble être, à un moment de ce repas, déjà une possibilité pour lui, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il continue sur le droit fil de sa lucidité retrouvée à la messe, en fait. Hein. Il est comme ça, déjà en partance. On pensait qu'il serait animé d'un esprit un peu plus revanchard, mais finalement, c'est peut-être aussi le temps du repas. Simplement, on se pose et on déguste ses mets de noailles. Alors après ce repas, bien sûr, d'habitude, on peut faire la sieste, mais ça n'aurait pas été très très intéressant de faire le compte-rendu de cette sieste. Et le docteur a choisi d'emmener Michel pour une nouvelle errance. Hein, c'était un petit peu l'émission du docteur pour cet accompagnement de Michel. Il l'a emmené dans quelques quartiers marseillais pour une promenade digestive qu'on va écouter maintenant. Hôtel Noailles. Michel plonge avec difficulté dans sa sieste dominicale, privé du repos du guerrier, scandant la longue liste des serviteurs du club. Peter Farmer, Victor Gibson, Jules Tanguy, Charlie Bell, Vincent Dietrich, Joseph Eisenhofer, Willy Coates, André Gascard, Joseph Eisenhofer, André Gascard, Paul Seitz, André Blanc, Josef González, Laurent Henrik, Josef González, Paul Vartel, Jules de Vaquez, Giuseppe Zilizzi, Auguste Jordan, Henri Ressler, Roger Rollion, Jean Robin, Giuseppe Zilizzi, Louis Maurer, Lucien Truppel, Otto Gloria, Armand Penverne, Louis Miro, Jean Robin, Mario Zattelli, Robert Domergue, Jean Jarquet, Mario Zattelli, Lucien Deluc, Mario Zattelli, Kurt Linder, Mario Zattelli, Joseph Bonnel, Fernando Riera, Jules Wunka, José Arribas, Jules Wunka, Ivan Markovic, Jules Vinka, Jean Robin, Albert Bateux, Roland Gronsart, Zarko Larevich, Pierre Cahuzac, Zarko Larevich, Gérald Banil, Gérald Gilly, Franz Beckenbauer, Raymond Gotthals, Tomislav Ivic, Raymond Gotthals, Jean Fernandez, Raymond Gotthals, Marc Bourrier, Gérard Géry, Henri Stambouli, Henri Stambouli, Lucas Peruzovic, Henri Stambouli, Gérard Géry, Roland Courbis, Bernard Cazoni, Abel Braga, Albert Raymond, Christophe Galtier, Javier Clemente, Tomislav Ivic, Josip Hanigo, Josip Koblar, Marc Lévy, Tomislav Ivic, Zoran Kujovic, Albert Aymon, Alain Perrin, José Hanigo, Albert Aymon, Jean-Philippe Durand, Philippe Troussier, Yann Fernandez, Albert Aymon, Eric Guéret, Didier Deschamps, Élise Bob, José Hanigo, Marcelo Bielsa, Michel, Franck Passy, Marcelo Bielsa, Michel, Franck Passy, Marcelo Bielsa, Michel, Franck Passy, Marcelo Bielsa, Michel, Franck Passy. Chacun s'occupe comme il peut à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le crut, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Michel a beau détenir un record d'Espagne, celui de la longévité sur le banc de l'OM. Puisqu'en y passant 8 mois, il détrône ses deux autres concurrents, 6 mois pour Javier Clemente et 7 pour Luis Miro. Michel a beau écrire son nom en lettres d'or aux côtés de Marc Lévy, l'un des 7 entraîneurs de l'année 2001. Impossible de ne pas souffrir la comparaison avec Bielsa. El Loco. Michel, éveillé en sursaut, fonce à la boutique de l'OM enfiler le survêt de Bielsa. Michel en a marre de se faire tailler des costards, et El Loco n'a pas le monopole du mauvais goût. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas aussi un fou en Espagne. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Hôtel Noailles. À deux pas d'un vieux port qui exhale en ce jour de Mistral le doux fumet d'entraîneurs chevronnés, sommeillant une encre au pied, pour avoir réclamé quelque indemnité. Le hall olympien de l'hôtel, sur son séant, pour l'occasion reconfiguré en tribunal du sport. Passy Pavane, parade. L'ex-adjoint, auréolé de deux victoires à Angers et Sochaux, toise avec condescendance le déjà condamné. Mes dents font mal, j'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers, 3 mètres de mur. Pourtant, c'est une prison d'airain, un destin scellé qui entoure l'entraîneur par intérim. À Toulon, puis Monaco, sur l'air tapis, il sait son heure de courte durée. Derrière Franck Passy, les anciens se bousculent déjà, érigés en jurés. Qui pour succéder au succédané? Comment gouverner Marseille ou nettoyer les écuries d'Olas, le voleur de Poulain? Même les ricains de Netflix s'y sont fait berner. Sur les ruines de l'OM, les hyènes veulent leur part du butin. Entraîneuse valse, des entraîneurs ratés. La dèche, portrait sur le prétoire, préside l'auguste assemblée, les murs ont des oreilles, mais pas de seuil rangé des paris, refusant même un nom à sa fille. Repenti du loto et du Fouquet, Basile Boliton, légion d'honneur au blazer. Amoros, éphémère béninois, essaie encore de se faire petit. Dibé Dimeco, compère du canal historique, s'y verrait bien une nouvelle fois. L'appel en main, sous serment, Jean-Jacques Edlis s'apprête à creuser la tombe de l'Espagnol, comme il l'a fait à Angoulême, Limoges ou Abidjan. Casoni est de retour de Vidéoton, la belle épopée hongroise où il se vit pêcher. Sorti de son hibernation calédonienne, Franck Sauzet est venu, pour le plus grand plaisir des fans de joystick. Jean-Pierre Papin, bouche en cœur, s'envole et fait trembler la barre en proposant son assistance. Waddle est de la partie, c'est avec Morgue qu'il toise la nuque rasée de Michel, traître à sa patrie. Un Espagnol sans muleta, et puis quoi encore? Mais dans ce navire ivre, il lui faut encore affronter quelques capitaines d'industrie. Le ballet des repreneurs. On attend la reprise, la crise, la reprise. Lagardère ne viendra pas. Michel Drucker, qui sait ce que nous réservent les dimanches. Jean-Pierre Foucault est en colère, mais qui veut gagner sans millionnaire? Le Corse monte la garde, la remplaçante de DSK. Kashkar, lui, restera au placard. Voici Moed Altrad, un monsieur prud'homme au pays des faux. Ou Nicolas, tant qu'à faire, il faut savoir trier les ordures en famille. L'opé à Languedocienne sur la Provence, une fable à réveiller l'hérésie Qatar. À propos de Qatari, ressurgit l'option concurrente. Abu Dhabi, non, déjà recruté, éclopé. Alors une bonne triade chinoise pour chasser l'oligarque. Michel en passe-muraille, de l'autre côté du miroir. Pourquoi pas? Sur le balcon face à la mer, une clope au bec de faussaire. Michel la triste, Michel la mère, joue à l'amour les yeux dans les yeux. Il n'y a rien à dire, chambre 47, elle baisse, elle rit. Quoi d'autre chérie? Quel ce merveilleux sentiment, ami, ami, Michel et Michel. Ami, ami, il n'y a pas d'amour ici-bas. Il n'y a pas d'amour, crois-moi. Michel arrive à un âge où on peut commencer à pleurer sur sa vie et compter les naufrages au nombre des bouches adorées. Michel avait le rire discret de celles qui ont trop espéré. Michel, oui Michel, tu sais, oui, non, rien, tais-toi, j'ai envie de danser. Ami, ami, Michel, Michel. Ami, ami, il n'y a pas d'amour ici-bas. Il n'y a pas d'amour, crois-moi. Débattons d'Anguirou un dimanche avec Michel. Michel, on le répète pour nos auditrices et auditeurs de Radio Grenouille, c'est l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille. Michel est aujourd'hui au chômage et il nous a fait la grâce, le plaisir, l'immense joie de pouvoir passer un dimanche avec lui. Nous en faisons cet après-midi le compte-rendu et là on vient de le quitter après une sorte de balade digestive un peu dans les rues de Marseille. Moi je vois un peu de Hamlet dans ce Michel qui est un peu... Bon, il réfléchit beaucoup à la condition de l'entraîneur, notamment de l'entraîneur de l'OM, mais il y a aussi quelque chose de pourri au royaume... De Marseille, il le constate bien et il constate aussi que de toute façon il n'aurait probablement jamais pu réussir entre les glorieux anciens, les potentiels repreneurs et successeurs. C'est compliqué pour lui d'exister dans ce club. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, eh ben, c'est un petit peu au bal des hyènes, on se dispute la charogne, mais la charogne n'est pas morte, donc c'est toujours un peu délicat. Donner rien à rajouter. Bah, ça tourne mal pour Michel. C'est dramatique parce que je pense que il est venu quand même avec toute sa bonne volonté. Alors c'est vrai qu'il a pas pris la mesure de la ville et finalement les uns après les autres, tout le monde lui tombe dessus. Donc c'est un peu Michel au poteau, libérer les anigots quoi. Mm-hmm. Et puis c'est un de ses premiers dimanches sans foot aussi pour Michel. C'est un Michel désœuvré qu'on a là et c'est compliqué pour lui. On sent que la journée est à la fois riche mais longue. C'est ça, elle est vraiment très très longue. Cette journée se poursuit avec un retour à la maison, tout simplement un retour dans ses pénates. Michel va, vous allez le voir, passer une petite soirée devant la télévision en famille. Et puis on écoute ça. Pour juste préciser, des remerciements sont nécessaires pour ce que vous allez entendre envers quelqu'un qu'on appellera Benjamin, qui a apporté son concours à cette partie de l'après-midi avec Michel. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a... Un dimanche file comme un paix sur une toile cirée, aussi vain et insaisissable, inexorablement vers ce satané lundi. Il est 17h37 et s'est empli de ses pensées, et aussi un peu meurtri, groggy et épuisé, vous le comprenez bien, chères auditrices, chers auditeurs, que Michel réintègre un foyer calme et paisible. Ce dimanche sans football fut bien sûr riche, mais il ne peut réprimer à son retour un petit vague à l'âme. Ce dimanche soir qui s'annonce, c'est déjà lundi, et le lundi qui s'annonce, lui aussi, sera une reprise sans reprise. Autant dire que c'est dur pour Michel, et il comprend ce soir exactement le sentiment exprimé par le poète Herbert Léonard. Salut, ça va Léonard, c'est dur ce matin. Mules bleues argentées enfilées, Michel rejoint ses enfants devant le poste de TV allumé. À peine s'il le remarque, et tant mieux, se dit-il. Apparaissent à l'écran une chouette brochette de présentateurs et quelques invités en survêtement. C'est Stade 2, la messe vespérale des Français, une émission anniversaire. L'occasion de revoir quelques moments marquants des 30 dernières années. Au moins, ne risquait-il pas de parler des mois ? C'est dit Michel, mi-rassuré, mi-amer. Et effectivement, se succèdent les sujets passionnants. La qualification inespérée de l'équipe de natation synchronisée géorgienne pour les JO de 1988, un retour sur l'affaire des archives volées de Patrick Montel, et un débat. N'aurait-il pas mieux valu que Michel Drucker soit à la place de Daniel Balavoine dans l'hélico ? Et maintenant, Comme écho à l'actualité footballistique marseillaise, nous avons choisi de diffuser cette interview croisée entre Michel, ex-entraîneur de l'OM, vous le savez, et Carlos Valderrama au sujet de l'épisode dit des Roubignoles, un sujet de Dominique Leglou qui lui valut cette année-là un de ses nombreux 7 d'or. Merda ! S'exclama Michel depuis son fauteuil à l'annonce de la présentatrice, bondissant sur son aîné, détenteur de la télécommande. Mais Diego esquive et, à 17 ans, il est devenu plus fort que son papa, dont le sens de la négociation, l'autorité naturelle et le charisme ne parviendront pas à lui faire récupérer le boîtier. Vaincu, épuisé, il se rassoit, résigné à s'arranger avec la honte. Mais que s'est-il passé lorsque ce 8 septembre 1991, Michel vous a serré le bas-ventre ? Vous savez, Michel était réputé pour être un gentleman. On a dit qu'il voulait me déstabiliser, mais je n'en crois rien. Je pense en fait qu'il voulait me serrer la main et qu'il s'est trompé de membre. Voilà tout. Nous avons rencontré Michel quelques jours plus tard à Madrid et c'est un peu gêné qu'il a répondu à la même question. Je n'ai jamais eu de mauvais gestes, vous savez, mais parfois, pendant les corners, on ne maîtrise pas tout. Les corps se frôlent. Mais là, vous tripotez clairement Carlos Valderrama, non ? Ah oui, là, non, vous savez, la vérité est que je venais de me moucher et que je cherchais un linge pour m'essuyer la main. J'ai pris ce sur quoi je suis tombé. Michel, la question de l'homosexualité dans le foot est rarement posée. Mais j'avais pris de la coca, hilo de perro. J'étais excité comme una puta americana. On disait que Valderrama était monté comme un caballo. Je pouvais pas dire ça à la TV quand même, que je voulais vérifier, puta madre. De rage, et pour stopper ce qui peut devenir un fiasco familial, Michel lance le cendrier en marbre dans l'écran qui, bien sûr, en perd son signal. Ce dimanche pourri se poursuit. Il est maintenant humilié devant ses propres enfants, en plus de les avoir effrayés. Un père pédé, on s'adapte, un père violent, ça craint. Et en plus, on voulait voir Maggie, nous ! Clament les trois bambins debout sur le sofa. C'est bientôt l'émeute dans le salon. Des Maggie, Maggie, Maggie retentissent, les coussins sont éventrés, les plumes volent, la TV enfumée. Michel est à bout, mais doit reprendre la situation en main. Une seule solution ? Il attrape sa guitare et entonne pour ses enfants le générique de Maggie, tout en laissant ses pensées divaguer. Et bois souvent Yous, avec sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Lar. Mais qu'il est donc fait un bon Dieu, putain madré, pour mériter tout ça. Et maintenant, les enfants qui me réclament Maggie, ma que vergüenza. Cette bière borghesa qui mène tout le monde par les bouts du nez, l'air de rien. Elle a l'air de Margarita, tiens. Et son mari là, c'est couillonne, cette lopette de Georges. Sûr qu'elle les trompe avec les belâtres et les pierres, capron. Comme la blonda et la brune, ils vont le virer comme une malpropre. Maggie, il ne manquerait plus que les enfants me réclament Benny Hill dans la foulée, histoire de les vivre mes dimanches soirs déprimés chez ma mama. Benny Hill, l'ultime rendez-vous télévisuel du dimanche, la frontière avec le lundi, la fin des jours de repos, des jours de jeu et le début de la semaine, de labeur. Les devoirs à faire pour le lundi matin, le quart scolaire, l'ennui. Benny Hill, les premières émoisensuelles. Se souvient Michel. Ces femmes dénudées courant dans les jardins poursuivant le lubrique humoriste. Sauf que moi, demain, je n'y reprends rien, plus de boulot. Et je ne bande plus par-dessus le marché depuis que Margarita m'a quitté. Les derniers rayons du soleil s'étalent, perçant de lourds nuages annonciateurs de mauvaises nouvelles. Cette maison, il lui faudra bientôt la quitter, car comment maintenant pourra-t-il payer les traites ? Retourner en Espagne et quitter cette ville où il aurait tant aimé être aimé ? Michel a envie de tout plaquer. Il ne sait plus, il est perdu. Et de l'hiver, j'ai peur des fous et de... peut-on vivre aujourd'hui? Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Débattons d'Angui Roux un dimanche avec Michel, on le quitte en fin d'après-midi, je sais pas dans quel état d'esprit là, on est. Là c'est vraiment dur. C'est vraiment dur pour Mimich, il est au bout du rouleau, j'ai l'impression. Il est au bout du rouleau, moi quand parce que j'ai eu le privilège donc de finir la journée avec Michel et bon la soirée était bien avancée, il était épuisé Michel. Il était tendu. Je l'ai retrouvé sur son bureau, la main entre les mains, très fatigué. Et bon, on a eu une discussion comme ça un petit peu à bâton rompu. On a parlé de tout et de rien, de ce dimanche un peu pourri. Et au moment où on s'est quitté, on s'est salué. Michel m'a dit qu'il avait un travail important à terminer. Et donc j'ai décidé de rester caché. Je me suis dissimulé derrière un rideau et j'ai enregistré le dernier, une sorte de testament en fait de Michel. C'est le testament de Michel, c'est un petit peu ses devoirs pour le lundi, c'est un ça. Peu voilà. C'est les devoirs pour lundi, ouais. c'était ça. Et donc il pose la dernière touche en fait à ce texte. Ah mais c'est intéressant, c'est donc un document totalement exclusif que nous livrons aux auditeurs de Radio Grenouille. On va écouter Michel. On écoute Michel. Il est destin d'une parenthèse, la consistance d'une virgule et la légèreté d'un point. Vienne la nuit, sonne l'heure, les joueurs s'en vont, y est des mères. Je suis Michel. José Miguel González Martín del Campo dit Michel. Don Ballon 1986 du championnat espagnol, excusez-moi du peu. J'ai connu la gloire avec le Real de Madrid et l'enfer avec l'OM. Jusqu'au mois dernier, j'étais l'entraîneur de l'équipe première, puis j'étais licencié par mon employeur pour faute grave et je ne toucherai pas d'indemnité, mais je ne suis pas inquiet. J'ai assuré mes arrières et je poursuis d'autres objectifs. La vérité, c'est qu'il y a 30 ans, j'ai épousé la cause de la Quinta del Buitre, une organisation secrète dont l'objectif est de contrôler tous les clubs de football de la planète pour la gloire d'un seul. J'ai été dépêché à l'OM dans ses seuls buts et aujourd'hui, je suis satisfait du résultat. Nous sommes les dimanche 1er mai, un beau jour pour faire la paix avec soi-même. Je ne sais pas l'heure qu'il est, peu importe, je suis lost in dimanche. La bougie vacille, j'ai fermé les volets, posé sur la table la machine à écrire s'impatiente, j'appellerai ça les dimanches de Michel. Les dimanches de Michel, c'est peut-être aujourd'hui, c'était peut-être hier, je ne sais plus. La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'il a commencé par une nuit debout sur le Courchulien. Querido numéro 1, j'ai l'honneur de t'annoncer le succès du projet Dortmund. Ma mission s'est achevée sans accroc le 19 avril dernier, avec l'appui du président Labrune. La Quinta del Buitre a encore frappé, gloire à la Maison Blanche. Nous avons rayé l'OM de la carte du football. Dans quelques semaines, vous en obtiendrez les ruines pour une croquette de jamon. Toi et moi, numéro 1, nous avons la classe. Nous ne confondons jamais l'élégance et la coquetterie. Je dois cependant t'avouer qu'à Marseille, j'en ai chié des crèmes catalanes. Je te jure qu'à la fin, tout hélas de cet OM ancien. Tous les jours, tu te demandes ce que tu fais là, pourquoi tu te lèves le matin et combien de temps tu vas tenir sous ce siège éjectable. Chaque week-end, tu constates qu'un collègue s'est fait virer, tu serres les fesses. Les joueurs t'accueillent le matin en chantonnant « Michel, il n'arrive pas à gagner, Michel, il n'arrive pas à gagner. » Tu souris pour ne pas entourer. La nuit, entre des tranches de chorizo, tu révises ton manuel d'alchimiste pour transformer les joueurs en chèvres. Et ça marche. Ils ne mettent plus un pied devant l'autre et passent leur match à brouter la pelouse. Tu décortiques les vidéos de tes adversaires pour leur laisser un maximum de marge. Ton plan est infaillible. Tu positionnes Rekic en attaque, tu mets Cavella dans les buts, tu titularises Fletcher alors qu'il a la chiasse. Que paella, joder. Ton problème, c'est Diarra. Tu ne l'attendais pas à ce niveau-là. Tu rouses pour l'isoler, lui couper les lignes de passe. Puis tu lui mets Romao dans les pattes et le tour est joué. Querido numéro 1. Le Tédéum de ce matin, c'était pour plaisanter. Ça fait longtemps que je ne crois plus en Maradona. Les jours de match, puta verga. Quand tu t'assieds sur ton banc, tu as des sueurs froides. Ta compo est minable, tu as peur qu'on te grille tellement c'est visible. Alors tu fais semblant. Tu commences par te roncher les ongles, puis tu rognes la peau avant d'attaquer la chair de tes phalanges. Enfin, tu croques dans l'os. Le visage enfoui entre tes mains, tu observes les allées et venues d'une colonne de fourmis frénétiques qui s'obstinent à ramasser les restes de ton crédit en décomposition. Peu importe, l'objectif est atteint, tu es encore perdu. Maintenant, il faut tenir pour en finir avec ce club. Tu supprimes les entraînements après la défaite contre Bilbao, ça fait chasser. Dans ton entourage, tu essuies quelques critiques. L'Olympique de Michel ne vaut pas l'Olympique de Marcel, por Dios numéro uno, combien de fois tu as entendu cette putain de phrase, mais patience. À Noël, on te propose un attaquant, à Icogne, surtout pas, tu fais le forcing pour obtenir Thauvin à la place, car tu sais qu'une fois de retour, ton équipe implosera. Semaine après semaine, tu mesures la qualité de ton travail, l'équipe régresse sur tous les plans, et mentalement, il n'y a plus personne. Un beau jour, tu ne te rases plus. Tu rêves du Real de Madrid et tu le dis tout haut. On se fout de ta gueule. Le match d'après, tu mordis ta touillette comme si de rien n'était. Tu as peur de te faire coincer. Tu sous sous ta chemisette, puis tu lèves et tu te gesticules. Tu replaces tes testicules, tu cries « La puta que te parió !» à tes joueurs, puis tu croises les bras. Tu enchaînes les défaites. La voix tremblotante, tu pratiques la langue des bois. Tu remercies ton capitaine qui coule avec les navires, un brave type, c'est Steve. Tu comptes. Uno, dos, tres, ocho, once, 14, 15, 0. 0 victoires en 15 matchs à domicile. Les pires bilans du club en championnat. Après les matchs contre Bastia, tu retrouves Margarita pour une réunion secrète. Ton avenir est en jeu. Mais voyons, Michel, commence-t-elle. Tu l'arrêtes tout net. Lui explique qu'elle peut se mettre sa boîte de Kinder où tu penses. Ton compte est bon. Le président Labrune improvise une partie de billard en fumant des barreaux de chaise. De la main, il te salue. Tu lui palpes les jumelles en, jeu, en retour. Buena onda, hermano. Tu vois dans ses yeux des fouines mal rasées tout le bien qu'il pense de ton travail. Le 19 avril, tu quittes la commanderie. Tu as laissé un champ de ruines derrière toi. Tu es libre comme l'air. Gloire à la Maison Blanche. Querido numéro uno. On se sent faible quand on est dans son tort. Dès qu'il s'agit de parler de moi, j'ai l'impression de troquer ma plume pour la verge des Valderrama. Je me sens lourd et maladroit. La vérité, querido uno, c'est que je ne cherche ni la gloire ni l'argent. Je suis fini comme entraîneur, je suis trop vieux pour la Quinta del Buitre, j'ai porté la dernière estocade. Maintenant, querido uno, fais-moi une faveur. Permets-moi de disparaître une fois pour toutes, d'oublier ce Michel aux dents blanches dont l'image reste à jamais entachée d'une pulsion coupable maintes fois commentée. Depuis 1991, je suis trop certain qu'on s'adonne à cœur joie derrière mon dos, qu'on se paye ma meringue. Mais est-ce ma faute si je suis plus génital que génial? Je voudrais redevenir Martin del Campo et finir ma vie en labourant ma terre andalouse, à cheval sur le manche 10 fois espéré en rêve de ce taureau de Vinnie Jones. Des bâtons d'Anguirou un dimanche avec Michel qui se conclut de cette manière. On a la révélation maintenant que Michel était en mission secrète pour son passage à Marseille. C'est nous qui sommes un peu amers, du coup. En finissant cette émission, on a peut-être été bien manipulés pendant tout ce dimanche passé avec lui. En tout cas, chers amis, coach Dundee et le reste du dispositif, merci à vous pour le travail effectué, une fois de plus, pour la mission du dispositif des bâtons d'Anguirou. On se retrouvera sur les antennes de Radio Grenouille au mois de juin pour des événements glorieux, nous l'espérons. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Bon dimanche.